donne généreusement. On le garde précieusement. On le perd souvent, finalement. On fait des plans, des calculs ridicules. Et pourtant